termine alors quand moi j'ai son mort. Eu le talent que j'y comprends, que je mette le son fort. La leçon du jour est ne pas oublier ce morceau. J'ai croqué le rap à pleine dents, j'en vois encore la mort. J'y arrive tellement vite, impossible de me retenir. Qui se sent et t'auras un ticket pour revenir. Dis à ton pote que mon rap est une putain de réussite. Tu peux me tuer mais sache que tout mes sons réussissent. J'ai attaqué l'applaudimètre à plus de 10 km. Ma bite dans tes fesses, ça c'est sûr tout le monde peut te la mettre. On croque le rap à pleine dents, histoire de laisser nos empreintes. Si t'aimes ce son, si t'as kiffé, à tout son sur rap en plein. Écoute ce refrain qui fait exploser le thermostat. Alors au frais, ça c'est du lourd, dis au pote, checker ça. On croque le rap à pleine dents, car nous, on a les chronos. On fait des chromes sur les punchs, normal, on est des pros. Tu vois nos pompes de manquer. Avec une pleine d'entrée, on te met sur le cul, avoue que le refrain t'a plu. Je crois que le rap a plein dents et sache que je laisse des traces. Mec, je t'écarte, on t'éclate, on t'épate et tu lâches dans tes draps. Là, c'est dramatique, mec. On remballe tout le rap français sans tout foncer. On a les sourcils français, on va défoncer les stats de punch pour que les grands qui croient que les petits meurent. Moi, je ramène mon crew pour faire tourner comme des spinners. Sache qu'on va réussir, c'est du tonnerre, donc fais gaffe aux éclairs. On s'écarte, ça c'est clair. On lâche que des ossèves, gros. On sait que ton rap atteint pas l'altitude, même sur le podium. Ici, c'est pas du féminin, tu verras qu'il y a des podiums. We'll be right back.